partirai un beau matin. Rien dans les poches, rien dans les mains. Là où j'irai, y'a pas besoin. Sans eux. J'aurais passé de longues années à m'arrêter, à repartir. De toi, pas question de revenir. J'aurais déjà fait mes adieux.